France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Lucher et les ventes d'armes secrètes à l'Iran. 1 million de morts, c'est le bilan de la guerre Iran-Irak. Un conflit de 9 années, de 1980 à 1988, type Première Guerre mondiale, à coup de bataille de tranchées et de gaz moutarde, une horreur. À l'époque, la France soutient officiellement l'Irak, qu'elle approvisionne massivement en armes. L'Iran, de son côté, est soumis à l'embargo, du moins en théorie. Car en 1986, le journal La Presse de la Manche révèle qu'une société d'armement française, l'entreprise Lucher, a contourné cet embargo et livré légalement près de 500 000 obus à l'Iran. C'est le début de l'affaire Lucher, qui devient rapidement une affaire d'État. En 87, un rapport accablant fuite dans la presse. Il affirme que ce trafic d'armes était connu et encouragé au sommet de l'État. Il aurait même permis de remplir les caisses du Parti Socialiste. En pleine cohabitation, ces révélations fragilisent le président François Mitterrand, accusé de duplicité par son gouvernement de droite, à l'époque. Notre invité aujourd'hui, Gilles Guettner, ancien journaliste à l'Express, spécialiste des affaires politico-financières, auteur du livre intitulé « La guerre secrète entre juges et politiques » de 1981 à 2024, paru début janvier aux éditions de l'Artilleur. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Jean Brossier, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Cherbourg, janvier 1986. Daniel Jubert, directeur du journal local La Presse de la Manche, lit en détail la presse du jour, en quête de sujet. Un article de quelques lignes dans le quotidien de Paris attire son attention. Écrit au conditionnel, il mentionne une rumeur. Depuis quelques mois, des bateaux remplis d'obus partiraient du port de Cherbourg avec pour destination secrète l'Iran. Piqué par la curiosité, le journaliste rend au port, à quelques centaines de mètres de son bureau, pour consulter le calendrier des départs. Et là, il apprend qu'un cargo, le Nicole, doit partir le lendemain à destination de Recife, au Brésil, avec 20 000 obus de calibre 155 à son bord. Cette destination l'étonne. « J'ai tiqué », racontera-t-il plus tard. « J'étais à Recife peu de temps auparavant. Là-bas, il n'y a pas l'ombre d'une base militaire aux alentours, pas le moindre conflit à l'horizon. Hormis le carnaval de Rio », ajoute-t-il. Il ne voit donc pas pourquoi le Brésil commanderait un tel attirail de guerre. À force de fouiller, il apprend que le bateau, le Nicole, est déjà venu en juillet à Cherbourg. Il avait alors chargé des dizaines de milliers d'obus, soi-disant destinés à être livrés au Portugal, au Brésil et à la Thaïlande. Interrogé, les dockers se souviennent qu'un homme de type moyen-oriental, flanqué d'un interprète, était là pour contrôler le bon chargement des armes, ce qui alimente les soupçons du journaliste. Alors, pour tirer au clair le trajet réel du cargo Le Nicole, Daniel Jubert contacte la société d'assurance Lloyd's à Londres, qui recense scrupuleusement tous les mouvements de navires à travers le monde. Et il tient sa preuve. Les registres de la Lloyd's indiquent en effet qu'en août, le bateau a atteint les Canaries avant de bifurquer pour rejoindre en septembre le port iranien de Bandar Abbas. Un autre bateau, le Troughton Bells, a suivi exactement le même itinéraire. L'Iran. Au terme de son enquête, le journaliste détermine qu'au moins 3 cargos livraient des centaines de milliers d'obus à la République islamique. Le tout pour le compte d'une société d'armement française, l'entreprise Lucher. L'Iran, l'un des thèmes les plus sensibles qui soit à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Le 28 février, la presse de la Manche publie ses révélations à la une, reprises dans le journal du soir de France Inter. Révélation dans un journal de Cherbourg, la presse de la Manche. Ce quotidien affirme que des armements français auraient été livrés clandestinement à l'Iran, notamment des dizaines de milliers d'obus. Or, officiellement, vous savez que c'est à l'Irak que la France livre depuis très longtemps des armes. Mais selon notre confrère, la presse de la Manche, depuis le mois de septembre dernier, 3 cargos qui avaient quitté Cherbourg, remplis de munitions, sont arrivés dans un port iranien. Pour comprendre la portée de ces révélations, rappelons la situation géopolitique du moment. En 86, la guerre entre l'Iran et l'Irak fait rage, depuis 6 ans. Et dans ce conflit, la France a clairement choisi son camp, celui de l'Irak. Les deux pays ont noué des liens politiques et économiques étroits pendant les années 70. En 75, le Premier ministre Jacques Chirac qualifie même Saddam Hussein, alors numéro 2 du régime, d'ami personnel. L'Irak devient à l'époque le premier partenaire commercial de la France au Moyen-Orient et son deuxième fournisseur de pétrole. De juteux contrats de vente d'armes sont signés entre Paris et Bagdad, prévoyant notamment la vente d'une centaine d'avions Mirage. On refourgue même aux Irakiens un petit réacteur nucléaire. Bref, c'est lune de miel et tapis rouge. Et la décision dramatique de Saddam Hussein d'envahir l'Iran en septembre 80 n'amène pas la France à remettre en cause ses contrats de vente avec l'Irak. Au contraire, avions de chasse, chars, continuent à être livrés en masse. La guerre, c'est bon aussi pour les affaires. Lorsque François Mitterrand arrive à l'Élysée, il ne dévie pas de cette ligne fixée par son prédécesseur Giscard d'Estaing. En 83, il s'en explique lors de l'émission L'Heure de Vérité sur Antenne 2. Monsieur Duroy, moi je suis l'héritier des grands choix de la France. Je peux en réformer certains lorsqu'ils me paraissent naturellement tout à fait contraires à ce que je crois ou à ce qui me paraît utile pour la France. Mais a priori, le fait que depuis 1975, l'Irak soit le premier client en achat d'armes dans le monde, c'est une situation que j'ai trouvée, que je n'ai pas réprouvée. Pourquoi ? Eh bien oui, nous avons continué d'aider notre ami. Alors, j'ai souvent répondu aux questions qu'on me posait dans ce genre en disant, écoutez, l'Iran aussi, il achète des armes. Et à qui donc ? Il y a des gens qui fournissent des armes à l'Iran, il y a des gens qui fournissent des armes à l'Irak, il y a des gens qui fournissent des armes à l'Iran et à l'Irak. Je n'en donnerai pas la liste, c'est pas le cas de la France. Des paroles habiles, comme d'habitude, mais qui volent en éclats avec les révélations de la presse de la Manche. Car le journal affirme qu'une livraison d'armes de cette ampleur n'a pas pu se faire sans l'autorisation préalable d'une commission interministérielle, c'est-à-dire du gouvernement. Il n'y a donc que deux options. Soit il y a eu de graves négligences, soit le gouvernement français a bel et bien permis que des armes françaises soient livrées à l'Iran en contradiction totale avec sa politique étrangère officielle. Les révélations du journal normand sont accueillies avec panique au ministère de la Défense, dirigé par Paul Quilès, qui a succédé à Charles Hernu, ce sulfureux proche de François Mitterrand qui a été contraint à la démission après la retentissante affaire des Rainbow Warriors. Paul Quilès craint que cet article ne marque le début d'une nouvelle affaire. Le tout à 2 semaines des législatives, prévues le 16 mars 86, et pour lequel le PS est déjà en difficulté, ça tomberait mal. Alors pour désamorcer le scandale, le ministre prend les devants. Il porte plainte le 13 mars contre la société Luchère pour infraction à la législation sur le commerce des armes. Son but est de signifier clairement à l'opinion que le gouvernement n'a rien à se reprocher dans ce trafic et qu'il a même été berné par Luchère. En conférence de presse, Quilès affirme que l'entreprise a produit des faux sur la destination réelle des armes, trompant ainsi la vigilance des autorités. Nous nous sommes aperçus à la fin février, c'est les autorités brésiliennes qui nous ont informé que ces documents étaient des faux. Le président de Luchère a été convoqué et entendu le 5 mars, et il a reconnu les faits. À la suite de cela, le ministère de la Défense a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre la société Luchère. Mais qui est au juste cette société Luchère qui se retrouve du jour au lendemain dans le viseur de la justice ? Depuis 1981, elle est dirigée par Daniel de Vavrin, un polytechnicien qui a un père célèbre, André de Vavrin, plus connu sous le nom de colonel Passy, ancien chef des services de renseignement de la France libre auprès du général de Gaulle. Quand Daniel de Vavrin devient PDG du Cher, la société est mal en point. En 82, elle essuie des pertes de 45 millions de francs. Alors le nouveau patron est convaincu que la société s'est trop diversifiée. Car si Luchère intervient dans l'armement, elle est aussi dans l'automobile, l'aéronautique et même l'agroalimentaire. C'est trop. Pour redresser la société, de Vavrin et Lag et recentre la production sur le seul secteur rentable à ses yeux, l'armement. Mais il se heurte à un problème. Luchère, seule société privée à produire des obus d'artillerie, a pour principal client l'État. Or, au fil des années, les commandes publiques diminuent. L'exportation devient donc le seul débouché viable pour la production d'armement de l'entreprise. Malgré une conjoncture internationale mauvaise, Daniel de Wavrin n'a d'autre choix que de vendre coûte que coûte ses obus à l'étranger. Et il réussit largement son pari. En 1985, 4 ans après son arrivée à la tête de Luchère, 85% du chiffre d'affaires est désormais réalisé à l'étranger. Il va sans dire qu'après les révélations de la presse de la Manche, ce redressement spectaculaire grâce à des exportations d'armes paraît très suspect. Quoi qu'il en soit, après la plainte de Paul Quilès, l'affaire est désormais entre les mains de la justice. Et les obus de Luchère passent au second plan des préoccupations médiatiques, car les Français s'apprêtent à voter pour les législatives le 16 mars 86. La France vient donc de prendre le virage de l'alternance. L'UDF et le RPR deviennent la nouvelle majorité. Majorité absolue avec l'appoint de ce que l'on appelle les divers droites. La Ve République présente donc ce matin un visage que les Français ne lui avaient jamais connu. Le président de la République n'a plus de majorité parlementaire pour gouverner. C'est une rupture avec les traditions institutionnelles depuis 1958 qui voulaient que le chef de l'État choisisse un premier ministre parmi les siens, choisisse son premier ministre. Ainsi, la France entre-t-elle en cohabitation ? Au ministère de la Défense, le successeur de Paul Quilès, c'est André Giraud. Et le dossier Luchère l'attend sur son bureau. Il va y rester quelques semaines avant que le ministre ne se décide en mai 86 à demander un rapport complet au contrôleur général des armées. Le ministre espère ainsi élucider les dysfonctionnements qui ont rendu possible le trafic d'armes, mais également y trouver quelques éléments pouvant nuire aux socialistes qui viennent de quitter le pouvoir. Eh bien, il va être exaucé au-delà de ses espérances. L'enquête est confiée au contrôleur général des armées Jean-François Barba, qui a carte blanche pour interroger tous les protagonistes et consulter les documents nécessaires. Quelques semaines plus tard, en juin, il remet son rapport à André Giraud. Il est dévastateur. Et pour le PDG du Cher, Daniel de Wavrin, et pour l'ancien ministre de la Défense, Charles Hernu, et l'un de ses bras droits, Jean-François Dubos. André Giraud voulait un peu de poil à gratter contre les socialistes, il se retrouve avec de la dynamite. Le rapport est donc classé confidentiel défense, il ne sera communiqué qu'à un cercle restreint de hauts fonctionnaires et de responsables politiques. Pourtant, au cours de l'année 87, des extraits du rapport commencent à fuiter dans la presse, en l'occurrence dans l'Express et dans Le Point. Le juge Legrand, en charge du dossier Luchère, est intrigué. Il demande donc la levée du confidentiel défense du rapport Barba à André Giraud pour pouvoir l'utiliser dans son dossier d'instruction, refusé. Et le 4 novembre 87, le rapport paraît en intégralité dans le Figaro, ce qui va faire l'effet d'une bombe. L'affaire Luchère est lancée. L'affaire Luchère, du nom de cette entreprise qui a vendu des armes à l'Iran alors que les socialistes étaient au pouvoir, cette affaire Luchère a connu aujourd'hui un nouveau rebondissement. En effet, le Figaro publie intégralement le rapport du contrôleur général des armées Jean-François Barba, qui avait été chargé d'enquêter sur cette affaire, un rapport pourtant classé confidentiel défense. Alors, que contient-il ce fameux rapport Barba qui stupéfie la classe politique ? Eh bien, il confirme tout d'abord la réalité du trafic. Oui, la société Luchère a bien livré un total de 450 000 obus à l'Iran entre 1982 et 1986 en utilisant de faux documents qui indiquaient des destinations fantaisistes, genre le Pérou, la Grèce, la Thaïlande. Et pour négocier avec l'Iran, Luchère s'est appuyé sur une filiale italienne et a utilisé comme intermédiaire un homme d'affaires grec. Mais la véritable révélation du rapport Barba, c'est que le PDG de Luchère, Daniel de Wavrin, ne s'est pas lancé seul dans l'aventure risquée de vendre des armes à l'Iran. L'industriel assure qu'il a obtenu des assurances politiques et au plus haut niveau, notamment celle de Jean-François Dubos, directeur adjoint du cabinet de Charles Hernu, très proche du ministre. Cet homme est un spécialiste des ventes d'armes, il a même consacré un livre au sujet. Dans son rapport, Jean-François Barba va dans le sens de Wavrin. Et il écrit, noir sur blanc, « J'ai la conviction que les opérations illicites de Luchère ont été couvertes par des membres du cabinet de Charles Hernu, particulièrement par Jean-François Dubos. » L'auteur du rapport en veut pour preuve que Charles Hernu et son cabinet ont ignoré tous les avertissements des services de renseignement qui les ont pourtant alertés à partir de l'année 82. Et ce n'est pas tout. Deux ans plus tard, l'amiral Lacoste, patron de la DGSE, avertit en personne Jean-François Dubos du trafic de Luchère vers l'Iran. « Pas vu, pas pris », aurait alors répondu ce dernier. Le patron de la DGSE informe également François Mitterrand des agissements de Luchère, lequel lui répond laconiquement « Parlez-en avec Ernu ». Lacoste s'exécute, mais Ernu ne réagit toujours pas, ne lance aucune enquête contre Luchère et n'interdit aucune des exportations de la société. C'est seulement en mars 86, après la révélation de la presse de la Manche, que les autorisations d'exportation de Luchère seront officiellement annulées par le cabinet du Premier ministre Laurent Fabius. Mieux vaut tard, dis donc. Pas forcément. Car dès le lendemain de l'apparition du rapport, Charles Ernu est confronté par une journaliste à ces révélations accablantes. Et il pique une grosse colère. Je suis ni un bandit, ni un voyou. J'ai pas vendu d'armes et je vous demande de me respecter. Et c'est mon droit. Vous faites mal votre métier. Après le coup de colère de Charles Ernu hier après-midi au salon Imagica, l'ancien ministre de la Défense a donné une conférence de presse. En des termes plus calmes, il a précisé très clairement sa position par rapport aux ventes d'armes à l'Iran. Je n'ai jamais donné un ordre, une instruction d'exporter des armes vers l'Iran. Jamais. Vous avez tout fait pour l'interdire également ? J'ai fait toutes les enquêtes dès que j'ai été au courant. Votre question est excellente. Et je n'ai eu, moi aussi, qu'à me féliciter des services de ceux qui, à l'époque, étaient sous mes ordres. Voilà ce que je peux dire. La stratégie d'Ernu est de tout nier. Il ne savait rien, n'a rien autorisé, circulait. Mais la question de la couverture politique des ventes d'armes soulevée dans le rapport Barba n'est pas le seul aspect préoccupant pour les socialistes. On y lit aussi, et surtout, que le trafic d'armes de Luchère aurait secrètement financé l'EPS. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Luchère et les ventes d'armes secrètes à l'Iran. France Inter, Affaires Sensibles. Alors, cette affaire Luchère, un financement occulte du Parti Socialiste. Dans son rapport, Jean-François Barba affirme ne pas exclure l'existence, en effet, d'un circuit financier entre Luchère et le PS. Si tel est le cas, l'affaire est explosive, comme des milliers d'obus sur le PS et sur le gouvernement au moment des faits. Selon le rapport, les ventes d'armes à l'Iran ont généré d'importantes commissions, plus de 100 millions de francs versés à des intermédiaires. Et Barba suggère que 3 millions ont été directement perçus par deux hommes proches de Charles Hernu, François Diaz et Paul-André Falcoz. À l'appui de cette grave accusation, Jean-François Barba n'avance pas vraiment de preuves. Mais il cite le témoignage d'un général, Armand Vautrin. Ce haut gradé, discutant de Luchaire avec Jean-François Dubos, toujours lui, se serait entendu répondre « Écoutez, levez le pied, hein. Luchaire alimente les caisses du Parti Socialiste. » Accablant. Les socialistes sont sonnés par la gravité de l'affaire. Et, mécaniquement, on jubile la droite. Alain Juppé, alors porte-parole du gouvernement, parle d'affaires d'État. La seule chose que je dirais sur ces affaires, c'est qu'il ne faut pas trop les globaliser et tout mélanger. Il y a des affaires subalternes, avec des dossiers d'ailleurs qui sont quasiment vides, qui sont purement et simplement des règlements de compte personnels, et puis il y a des affaires d'État. Le fait que, en contradiction formelle avec sa diplomatie et ses positions internationales, au vu et au su des plus hautes autorités, la France ait vendu des armes à un État belligérant dans ce conflit Irak-Iran, et plus précisément à l'Iran, c'est une affaire d'État. Et cela mérite que toutes les procédures administratives et toutes les procédures judiciaires se déroulent pour qu'on sache la vérité. Il faut faire la vérité. Et comme si la coupe n'était pas déjà assez pleine, un grave soupçon va venir s'ajouter à ce dossier. Dans le rapport Barba, un nom est mentionné à plusieurs reprises, celui du général René Audran, tué en janvier 85 par le groupe armé d'extrême-gauche Action Directe. Audran était alors directeur des affaires internationales au ministère de la Défense, en charge notamment des ventes d'armes à l'Irak. Cette mention d'Audran dans le rapport Barba ravive une théorie du complot. Dans un article intitulé « Où l'on reparle du général Audran », le journal Libération affirme que son assassinat est toujours apparu suspect à certains responsables du ministère de la Défense, qui se seraient étonnés que les militants d'Action Directe aient choisi de s'en prendre spécifiquement à Audran, car d'autres cibles, plus parlantes, existaient. Toujours selon Libération, on s'est demandé en haut lieu si le nom de la victime n'avait pas été soufflé à ses assassins, et si son exécution n'était pas la conséquence de son opposition à la réalisation de certains contrats. Celui de Luchaire avec l'Iran, par exemple. Dans le rapport Barba, on lit en effet que le général Audran était au courant du trafic de la société d'armement et, selon ses proches, il le désapprouvait fortement en raison de sa proximité avec les milieux irakiens. Il est donc tentant d'établir le lien entre ces deux éléments. Ce dont, notamment, ne se prive pas Jean-Marie Le Pen, redevenu député lors des législatives de 88, tout comme son bras droit Bruno Maigret, qui le 4 novembre 87 interpelle André Giraud à l'Assemblée nationale. Vous vous affirmez comme les partisans de la paix et les défenseurs des intérêts français et vous organisez des ventes d'armes occultes pour financer votre parti. Est-ce parce qu'il s'y opposait que l'ingénieur général Audran a perdu la vie? Je dois vous dire mon indignation que vous ayez mêlé à cette affaire le nom du général Audran. Qu'est-ce qui vous donne le droit de mêler à cette affaire la mort du général Audran? Qu'est-ce qui vous en donne le droit? Même François Mitterrand est éclaboussé. D'abord parce que, selon le rapport, il a bien été prévenu des ventes d'armes et n'a rien fait pour les empêcher. Ensuite, parce que l'intégrité de son parti, le PS, est en cause. Alors on le presse d'intervenir. Le sénateur centriste Jean Le Canuet, ancien candidat à la présidentielle, l'ironise et dit... Au point où nous en sommes, la plénitude de la lumière sur la conduite des affaires de l'État dans une affaire d'État ne peut venir que du sommet de l'État. Mais la parole de François Mitterrand se fait toujours attendre. En privé, le président se dit ulcéré par la fuite dans la presse du rapport Barba, qu'il voit comme un mauvais coup du gouvernement de droite pour l'affaiblir. Le 16 novembre, après 10 jours de tapage, il se décide enfin à s'expliquer sur RTL. La Constitution ne m'a pas confié la charge de vérifier les autorisations d'exportation de matériel de guerre. Et que si l'on m'en informe, bien entendu, j'en tiens compte, j'informe les autorités responsables, je m'en inquiète à diverses reprises, et dès lors que les systèmes de contrôle fonctionnant ne m'informent de rien, moi je suis quand même tout à fait autorisé à penser qu'il n'y a plus d'infraction à la règle que j'ai moi-même édictée. Que vous mettriez votre main au feu... que le Parti Socialiste, à quelque niveau que ce soit, niveau national ou niveau local, n'a pas retiré un sou de ce qu'il faut bien appeler un trafic. Oui, je mettrai ma main au feu. Et personnellement, je pense que la manière dont le rapport Barba a été divulgué, ce qui est aussi une affaire d'État, je considère que cela constitue une immense escroquerie morale à l'égard de ce parti. Et pour enfoncer le clou, à 5 mois d'une nouvelle élection présidentielle, François Mitterrand annonce une loi sur le financement des partis politiques pour en finir une fois pour toutes, dit-il, avec cette question qui empoisonne la vie des républiques depuis plus de 100 ans. Une manière habile de rebondir et d'éviter que l'affaire Luchère ne gêne sa campagne pour sa réélection. Quoi qu'il en soit, la prise de parole du président calme ses troupes, mais laisse en suspens les principales questions de l'affaire. Le trafic d'armes a-t-il été couvert par des membres de son gouvernement? Et peut-on le croire quand il affirme mettre sa main au feu qu'il n'y a pas eu d'enrichissement du PS via ce trafic? C'est au juge d'instruction, Michel Legrand, qu'incombe la lourde responsabilité de répondre à ces questions, le tout dans un climat politique étouffant. Au mois de décembre 87, le volet judiciaire de l'affaire Luchère s'accélère. Le 17, l'inculpation du PDG de la société en question, Daniel Devavrin, est annoncée. Une première inculpation dans le dossier Luchère, autrement dit l'affaire des ventes illégales de matériel de guerre à l'Iran. Daniel Devavrin, président du directoire de la société, a été inculpé par le juge Legrand d'infraction à la législation sur les armes de guerre, faux et usage de faux, trafic d'influence et corruption de fonctionnaires. Premier inculpé dans cette affaire, M. Devavrin est aussi le principal témoin à charge contre Jean-François Dubos, à l'époque un des plus proches collaborateurs du ministre Charles Hernu. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Jean-François Dubos, le bras droit d'Hernu, d'être inculpé. Au mois de janvier 88, le juge Legrand commence ses auditions. Il interroge notamment le général Vautrin, un témoin clé du rapport Barba. C'est sur son témoignage que le rapporteur a bâti l'hypothèse d'un financement occulte du Parti Socialiste. Or, à la stupéfaction des juges Legrand, le général Vautrin revient sur ses dires. Il affirme que Barba l'a mal compris, que jamais, au grand jamais, il n'a entendu Jean-François Dubos affirmer que Luchère alimentait les caisses du Parti Socialiste. Bon, le juge Legrand parvient tout de même à établir qu'un proche du PS et de Charles Hernu a bénéficié directement de commissions générées par le trafic de Luchère, Paul-André Falcoz. Mais le jour de sa convocation par le juge, il meurt d'une crise cardiaque. Coup de chance pour le Parti Socialiste, ironise les mauvaises langues. Car avec le décès subi de Falcoz et le retrait du témoignage de Vautrin, la piste de la corruption du Parti Socialiste s'effondre. Reste au juge Legrand à examiner l'autre aspect de l'affaire, l'illégalité des exportations d'armes. Mais le magistrat se heurte à un mur. Il n'obtient pas la déclassification de nombreux documents confidentiels défense, qui lui sont pourtant nécessaires pour y voir clair dans le fonctionnement du trafic et les soutiens dont il a bénéficié ou aurait bénéficié en haut lieu. Le ministère de la Défense refuse même de lui communiquer les originaux des faux documents que l'entreprise a utilisés pour maquiller la véritable destination des obus. Des originaux sans lesquels Legrand ne peut pas prouver le caractère illicite des ventes d'armes à l'Iran. La conclusion de cette mascarade paraît donc inévitable. Le 16 juin 89, sur ordre du procureur de Paris, Pierre Bézard, le juge Legrand prononce un non-lieu général. Daniel Devavrin, tout comme Jean-François Dubos, ne seront jamais traduits en justice. Peu après ce non-lieu, le procureur Pierre Bézard déclare au journal L'Est Républicain « Cette affaire Luchère a été soufflée politiquement, elle est aujourd'hui dégonflée politiquement ». Et il ajoute, il y avait de quoi renvoyer M. Devavrin devant un tribunal correctionnel pour les exportations d'armes. Mais le juge Legrand n'a pas pu le prouver, faute d'avoir pu bénéficier de la collaboration du ministère de la Défense, la justice s'est retrouvée prisonnière. Voilà, tout est dit. Dans les médias, la décision de non-lieu indigne, l'issue scandaleuse d'une affaire d'État, titre par exemple le journal Le Monde. Et sur France 2, le journaliste Hervé Brusini résume l'omerta à l'œuvre. À aucun moment dans l'affaire, les autorités qui auraient été en mesure de la faire progresser par des actes de procédure très clairs que notre loi stipule, n'ont pris ces responsabilités-là. Ce qui veut dire, je crois qu'on peut répéter tranquillement ce que nous disions dès vendredi, que personne n'a décidé d'explorer au fond le fond réel de cette affaire. que tout le monde était au courant, qu'on soit militaire, fonctionnaire, politique de tous bords et marchand d'armes. Que donc, il y a eu comme un effet de système où une solidarité a été plus forte que la justice. Malgré le non-lieu dans cette affaire, il n'en reste pas moins que 450 000 obus ont été envoyés à l'Iran. Et qu'au sommet de l'État français, on était au courant. Dans ses mémoires, parus en 2015, intitulés « Les secrets d'un juge », Michel Legrand écrit ainsi que, dans le dossier Luchère, « La preuve était flagrante que le gouvernement et le président avaient couvert les exportations, parlant même de complicité morale du chef de l'État », je cite. Reste donc une question. Pourquoi ? Quel intérêt trouvait la France à vendre des armes à la fois à l'Iran et à l'Irak ? En 1998, dans l'émission « Rendez-vous avec X », Monsieur X, donc, avançait quelques éléments de réponse. Il y a les discours et puis il y a le réalisme. Et dans le cas qui nous occupe, le réalisme imposait de ne pas tout à fait couper les ponts avec l'Iran. Ce qui veut dire ? Qu'il ne fallait pas forcément mettre tous nos œufs dans le même panier. D'accord. On aidait l'Irak en lui vendant des armes, en lui fournissant des avions parfois prélevés sur les stocks de l'armée de l'air, mais avait-on vraiment intérêt à ce que l'Irak écrase l'Iran ? Et surtout, pouvait-on négliger le formidable marché iranien ? Comprenez ? Donc il était tentant de vendre des armes aux deux parties. Tout à fait. Et cette guerre horrible qui se prolongeait, c'était pain béni pour les marchands de canons. Cynisme de la géopolitique, de l'affaire Luchère, il reste aujourd'hui un acquis bien concret. La toute première loi de transparence de la vie publique. Il s'agit de la fameuse loi promise par François Mitterrand lors de son interview à RTL et qui est adoptée en effet en mars 88. Cette loi encadre le financement des partis et crée l'obligation pour les élus de remplir une déclaration de patrimoine au début et à la fin de leur mandat. C'est déjà ça. France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Luchère. Notre invité, Gilles Guettner. Bonjour. Bonjour. Journaliste à l'Express pendant 25 ans. Vous êtes un spécialiste des affaires politico-financières. Vous avez fait paraître début janvier un livre aux éditions de L'Artilleur intitulé « La guerre secrète entre juges et politiques de 1981 jusqu'à aujourd'hui, 2024 ». Vous êtes également l'auteur de « L'argent facile, dictionnaire de la corruption en France » chez Stock, dans lequel vous analysez longuement d'ailleurs cette affaire Luchère. Alors c'est une affaire aujourd'hui relativement oubliée et qui a pourtant été l'une des plus marquantes de la cohabitation. Vous qui l'avez couverte à l'époque pour l'Express, quel retentissement elle a eu pour les Français, si toutefois elle en a eu d'ailleurs ? Au début, lorsque la presse de la Manche puis l'Express sortent cette affaire, en particulier moi à l'Express, j'avais sorti les principaux extraits du rapport Barba, je vais vous raconter une anecdote. Pendant 3-4 jours, silence radio total du côté du ministère de la Défense. Un matin, je reçois un coup de fil du boss à l'appareil. Bonjour monsieur. Silence. Vous savez, monsieur Guettner, ce que vous avez écrit, tout est faux. Ben voyons. On discute un petit peu, je dis écoutez, ça m'étonnerait. Tout est faux, je vous dis. Et puis au bout de 5 ou 6 minutes, ou peut-être un peu moins, il me dit, mais vous savez, au fond, ce qui m'embête dans votre article, c'est qu'à cause de vous, je ne serai pas directeur général de la DGSE. J'avais été tout à fait... Vous avez répondu, c'est votre problème, c'est pas le mien. Absolument. Et la deuxième anecdote, qui est quand même là, qui rejoint quand même le problème de l'instruction de cette affaire, c'est qu'un collègue du juge Legrand n'arrêtait pas de le voir tous les 3 jours, 4 jours, etc. La de boss. Absolument. Il disait à Michel Legrand, il faut que tu décernes un non-lieu à Jean-François Dubos. L'autre disait, il n'y a aucune raison que je décerne. Je suis en pleine instruction, je ne vais pas décerner un non-lieu. Et finalement, comme vous l'avez bien rappelé, il y aura un non-lieu, mais pas pour des raisons d'opportunité. Il y aura un non-lieu parce que le ministère de la Défense a refusé de donner des documents confidentiels défense. Donc le juge ne pouvait pas enquêter davantage. C'est ça le fond bien sûr. Et pour cette affaire, comme pour beaucoup d'autres. Absolument. Le problème, le verre est dans le fruit à cause de ce classé secret défense. Cela dit, nous sommes donc 87, ça fait quand même plus de 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le juge aurait pu avoir accès aux documents classés défense. Les choses ont considérablement évolué. À une époque, un juge d'instruction ne pouvait pas entrer à l'Élysée en raison du privilège de l'immunité du président de la République. Maintenant, c'est fini. Et je crois que là, on aurait pu savoir la vérité. Oui, parce que dans ces années-là, et Affaires Sensibles est bien placé pour le savoir, à force d'explorer les allées des années 90-80, le secret défense à chaque fois ressort et bloque. Oui, oui. Donc là, on a fait. C'est important ce que vous dites. On a fait des. Il y a eu des progrès. Oui, oui, c'est, ça me paraît tout à fait incontestable. Et il faut souligner aussi que le procureur de la République, Pierre Bézard, était sur la même ligne que le juge d'instruction. En plus. Il n'a pas eu d'ordre du gouvernement. Mmh. Il m'a dit. Moi, il m'a fait quelques confidences. Je ne peux plus enquêter puisque je ne peux pas aller au-delà du ministère de la Défense. Donc, on est obligé de stopper. Alors, on a interprété ça, évidemment, d'une façon purement politique. Et c'est pour ça que le président de la République, après, a fait cette conférence de presse où il a annoncé une loi, comme vous l'avez rappelé, sur la transparence de la vie publique. Mais la question qu'on peut se poser, alors, est-ce que je vais un peu loin? Est-ce que l'argent, les commissions, les fameux 3 millions d'euros, 3 millions de francs qui ont été versés à Falcos, servaient à financer le PS? Moi, je n'en suis pas si sûr. Il faut savoir que M. Falcos faisait partie de l'entourage d'Hernu, qui n'était pas le Parti Socialiste à l'époque. Falcos était un vieux compagnon de route de Charles Hernu, qui s'était connu au club des Jacobins. Enfin, c'est une autre... Une autre sphère. Absolument. Vous parlez de Charles Hernu, justement. Vous, quel souvenir vous gardez de lui? Vous l'avez rencontré? Vous l'avez... Non, je l'avais pas vu. Il avait refusé de me recevoir. Oui. Et il était toujours... moi, je n'ai pas connu... Enfin, évidemment, il était toujours très calme. Hein, oui, oui. Ça, c'était sa stratégie d'être très caché. Il ne disait pas ce qu'il pensait, mais il était fou furieux, quand même. Il y a de quoi être... le ministre de la Défense qui laisse se développer un trafic d'armes, c'est quand même pas banal. Ouais. D'autant que Hernu avait été sévèrement mis en cause avec l'affaire Greenpeace. Oui, oui, absolument. Ouais. Ça faisait quand même... Ça faisait beaucoup, quand même. Deux affaires, c'était beaucoup. Bien sûr. Alors, à l'Express, vous participez au lancement de l'affaire en révélant des extraits du rapport Barba, qui sera ensuite dévoilé en intégralité dans le Figaro. Alors, révéler un rapport confidentiel défense, ce qu'on peut en avoir, ça n'est pas rien. À la lecture de celui-ci, est-ce que vous avez pris conscience que c'était de la dynamite et dans ce que vous avez découvert, on parlait d'un éventuel financement du Parti Socialiste, où on n'était que sur le trafic d'armes? On était absolument sur le financement du Parti Socialiste, et d'ailleurs, la presse s'est tout de suite lancée vers le financement du Parti Socialiste. Ça me paraît clair. Et vous avez dit c'est de la dynamite, là? Dans la mesure où on exporte des obus, c'est forcément un peu de la dynamite. Oui, si oui, je peux me permettre. Oui, hein. Mais oui, oui, j'ai bien compris tout de suite que c'est une affaire extrêmement importante. De toute façon, toutes les affaires de trafic d'armes qui mettent en cause un État sont toujours des affaires importantes. Il y a une espèce de fantasmagorie, il y a tout ça que... mais le trafic a eu lieu. Et puis alors, il faut savoir que nous étions en pleine période des otages. Ah oui, en plus, bien sûr. C'était important. Et donc, en divulguant le rapport, moi j'avais pas mal de contacts, et on m'avait dit, fais attention, nous avons 4 otages actuellement. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu attendu avant de rédiger mon papier, qui est sorti 6 mois après la révélation du rapport Barba. Oui, d'autant qu'on parle là de vente secrète à l'Iran, et que les journalistes français ont été pris en otage par le Hezbollah, manipulés par l'Iran. Absolument. Hein, c'est pour absolument. Ça qu'on est sur les œufs, là. On marche sur les œufs. Absolument. Et puis il y a le contexte politique aussi, qui était important. On est en 86-87. On est en cohabitation, donc pour la droite, c'est pas béni d'avoir une opposition qui s'amuse à expédier des armes en infraction au décret de 39, puisque c'est ça le... C'est une infraction au commerce des armes. Alors, parce que se pose le problème de la commission interministérielle d'exploitation du matériel de guerre, où il y a des représentants du ministère de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur, personne n'a rien vu. Ouais. Et alors, la droite, bien sûr, a pris la balle au bon. C'est de bonne guerre, si j'ose dire. Hein. On a entendu Alain Juppé. Mais il y a vraiment une bronca de la droite. C'était vraiment très important. Oui. La droite était... Vent debout. Génie, absolument. France Inter. Affaires sensibles. Gilles Gettner, est-ce qu'on est dans la théorie du complot, dans un complot simple qui aurait pu exister concernant les liens établis à l'époque entre la mort du général Audran et l'affaire Luchaire? On rappelle que le général Audran est l'une des victimes d'Action Directe. Est-ce qu'on est en train de subodorer, là, c'est que il aurait été tué sur commande par Action Directe, donc il y aurait des commanditaires, parce qu'Audran n'était pas d'accord avec ce projet de vente d'armes à l'Iran. Ça paraît un peu tordu, mais pourquoi pas? Oui, parce qu'on a aussi, il y a une autre hypothèse qui a circulé, c'est que Action Directe était manipulée par la fraction armée rouge d'Allemagne. Oui. Et que. Oui, c'était la même sphère. Absolument. Et c'est elle qui aurait fait le. Qui aurait commandité l'assassinat d'Audran. Alors, sur l'Irak, l'Iran. Maintenant, c'est difficile d'avoir une réponse précise et définitive. L'Iran, c'est quand même saisissant. C'est sur la scène géopolitique mondiale, c'est une affaire sensible à lui tout seul, l'Iran. Oui, au moment des faits et aujourd'hui encore. Hein. Absolument, et ça continue, ça ne cessera jamais. Quoi. Ouais. Mais bon. Alors, ce qui amène au non-lieu, on l'a dit, c'est le fait du secret défense, de la non-coopération, c'est le moins qu'on puisse dire, du ministère de la Défense à l'enquête. Mais c'est aussi le retrait d'importants témoignages, hein, présents dans le rapport Barba, celui des généraux Vautrin, notamment. Oui. Dans votre livre, L'argent facile, vous expliquez que l'amiral Pierre Lacoste, l'ex-patron de la DGSE, est aussi revenu sur son témoignage face au juge Legrand. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de mystérieux quand même, parce que ces importants témoins se soient dédits notamment sur la question du financement du PS. Vous avez une explication? L'explication, c'est que ils ont peut-être eu un petit avertissement en disant attention, vous allez trop loin, vous ne pouvez pas comme ça vous avancer, et donc ils ont rétropédalé. Est-ce que le contrôleur général Barba a pas compris ou mal interprété ce que lui a dit le général Armand Vautrin? Moi, ça me fait un peu sourire, quoi. Mmh. Bon, maintenant, l'affaire est terminée. De même sur l'amiral Lacoste. Quand vous êtes patron de la DGSE, vous écoutez bien et vous comprenez bien ce que votre interlocuteur vous dit. Et le juge Legrand a tout fait. Il a été obligé de rendre un non-lieu. Et il faut quand même rappeler, et ça a été un peu oublié, c'est que son non-lieu a drôlement arrangé le président de la République de l'époque, François Mitterrand, qui a félicité au cours d'une conférence de presse, je crois, au cours d'une intervention, en disant « Mais le juge Legrand a remarquablement fait son travail ». Voilà ce qu'il disait en substance. Et à un moment donné, on s'est dit « Tiens, ça y est, avec ce non-lieu dans l'affaire Luchaire, une épine du pied a été enlevée au Parti Socialiste ». Monsieur Legrand va avoir une belle promotion, et il n'a pas été récompensé, parce qu'en guise de promotion, il a été envoyé à Grenoble comme avocat général, et il a terminé sa carrière comme avocat général à Montpellier, et il n'a jamais eu le poste de procureur général qu'il aurait souhaité. Pour quelle raison? Ça, c'est le mystère, ça. Encore un. Alors, le grand mystère aussi, c'est... Et on s'est posé la question pour Greenpeace, et je crois qu'on n'a jamais eu la réponse. Quelle était l'implication du plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire François Mitterrand, quel était son degré d'information? Son degré d'information, il a été... Ou alors on a des très mauvais services, ce que je ne crois pas, ou alors quelqu'un au cabinet, ou même un peu plus, n'a pas... Il y a des choses qui restent secrètes et on ne peut pas les divulguer. Vous ne pouvez pas dire « RNU ne va pas voir le président de la République ». On dira « Vous savez, monsieur le président, je suis en train de faire un bon coup, d'envoyer 450 000 obus vers l'Iran. Bah, écoutez, faites comme vous pouvez ». Quand François Mitterrand dit « Tenez-moi au courant », c'est typique de la non-réponse. Oui, très mitterrandienne d'ailleurs. Oui, absolument. Dans L'argent facile, qu'on a bien lu, hein, voyez. Vous résumez... C'est gentil. Ainsi, l'issue de l'affaire. Extraordinaire histoire. Alors, je vous cite, hein. Extraordinaire histoire qui a vu tous les protagonistes jouer un vaudeville dont le thème aurait pu être « C'est pas moi, c'est l'autre ». Dans l'affaire Luchaire, en fait, tout le monde s'est renvoyé la balle. Hein. Tout le monde se tenait par la barbichette, comme on l'a écrit à l'époque. Qui se tenait par la barbichette, en fait? C'est tous les acteurs, tous les protagonistes. Dont vous avez cité les noms et dont j'ai cité également les noms. Et je vais vous dire, hein, ma modeste expérience prouve que dans toutes ces affaires politico-financières, là, il y a un peu d'armement, les gens se tiennent toujours par la barbichette et on a tendance à contredire celui qui disait quelque chose. On passe son temps à ça. Je ne vais pas citer toutes les affaires politico-financières qui ont défrayé la chronique ces temps-ci, mais à chaque fois, il y a un témoin qui dit « mais le juge m'a mal compris, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, etc. » Ou « je n'ai jamais dit ça ». Enfin bon, c'est... ça continue. Quelle autre affaire politico-financière, par exemple, répond à ça? On peut puiser, il y a de quoi faire. Hein. Oui, oui, les affaires de financement politique en particulier, quoi, dont on a beaucoup parlé. Les gens se rejettent la responsabilité, parfois à tort, parfois avec raison. Je veux pas être jésuite, mais bon, j'ai pas en tête là. Je pense les affaires de financement de Nicolas Sarkozy, les affaires de les premières affaires de financement du Parti Socialiste avec Urba. Urba Gracco, oui. Urba Gracco, la première, une des premières en 82-83. Le Carrefour du Développement aussi. Le Carrefour du Développement. Où... celle-là était pas mal parce qu'elle impliquait à la fois la gauche et la droite. Oui, oui, c'est ça. Puisque... c'est universel, celle-là. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez. Dans l'affaire Carrefour du Développement, le chef de cabinet de Nucci disait le contraire. Nucci disait, mais non, c'est lui. Enfin, c'est pas moi, c'est l'autre. Quoi. C'est du vaudeville. Mais c'est du vaudeville qui coûte cher parce qu'après, on peut aller en détention. Bien sûr. Il y a un peu plus, même. Dans cette affaire, on peut dire que le complexe militaro-industriel a gagné, voire une fois de plus. Absolument. La Grande Muette a gagné, oui, absolument. Est-ce qu'elle gagnerait aujourd'hui? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas sûr. Et pourquoi on a eu cette évolution? C'est à force d'être confronté à des affaires et voir aussi la césure que ça peut entraîner entre ce qu'on dit le peuple et les élites, la confiance du peuple. Oui, vous avez raison, mais ce qui se passe, c'est qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que le pouvoir politique commande au pouvoir militaire en France. C'est comme ça. Ouais, bah donc, ça devrait être comme ça, en tout cas. Et donc, le pouvoir militaire a tendance, parfois, à ne rien dire et à ne rien faire. Quels sont devenus les... On se pose une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, évidemment, on est dans les hypothèses, mais les 100 millions de francs de commission, sinon pas tout ou partie financer le Parti Socialiste. Il n'y a jamais eu de recherche là-dessus. Hein. Le juge Legrand a enquêté uniquement sur les 3 millions de francs, mais sur les frais de commission, qui sont en fait des bakchiches. Les 100 millions de francs, on a parlé de l'étranger, on n'a jamais su exactement où c'était parti. Ça, c'est dommage, parce que ça aurait été intéressant. C'était beaucoup à l'époque, hein. 100 millions de francs en 82-83, puisque le trafic commence en 82-83. On n'a jamais trouvé, là. Mais on remarque aussi que dans toutes ces affaires, presque toutes, revient toujours le thème de ces fameux intermédiaires, de ces fameuses commissions, et que c'est peut-être là le gisement à scandale de l'ensemble des scandales. J'ai l'impression qu'il tient souvent là, dans les commissions et les intermédiaires. Alors vous avez tout à fait raison, on parle souvent des intermédiaires, qui sont des facilitateurs, et le deuxième argument utilisé, c'était pour le financement du Parti Socialiste. Ou le financement d'un autre parti, le parti de l'UMP ou le RPR. Mais en réalité, on s'aperçoit parfois que c'est du financement personnel. Bien, merci infiniment. Je vous en prie. Gilles Gettner, je rappelle que vous avez été journaliste à l'Express pendant 25 ans et que vous avez fait paraître début janvier un livre aux éditions de L'Artilleur, un livre intitulé « La guerre secrète entre juges et politiques » qui couvre une grande période qui va de 1981 jusqu'à 2024. Merci encore. Au revoir. Eh ben, c'est moi qui vous remercie aussi. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Luchère, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.